Des prés, des bois, des villages, des horizons, de nouveaux horizons. Les gens on ne connaît pas sont toujours moins contents qu'on les survole. Mais au fond, les gens sont tous chiants. Avec leur manie, leur urbanisme, il n'y avait que les nomades qui changeaient. We'll be right back.